Chapitre 39e. Jacques Bastien, après avoir brutalement chassé sa femme, rentra chez lui d'un pas chancelant, se jeta sur son lit tout habillé et tomba dans un profond sommeil. À 3 heures de la nuit, ainsi qu'il en avait donné l'ordre la veille, Marguerite apporta de la lumière chez son maître et le trouva endormi. Elle eut assez de peine à le réveiller et lui annonça que le vieil André avait attelé le cheval à la carriole. Jacques, encore alourdi par le sommeil et par les suites de son ivresse qui obscurcissait encore ses idées, se secoua dans ses vêtements comme une bête fauve dans sa fourrure, passa sa main dans sa crinière emmêlée, endossa par-dessus ses vêtements un surtout de peau de bique à long poil, se rinça la bouche avec un plein verre d'eau-de-vie et envoya Marguerite avertir Bridoux que tout était prêt pour le départ. Bastien avait la tête embarrassée, les idées confuses, et à peine un vague souvenir de son atroce brutalité envers sa femme. Il luttait péniblement contre une violente envie de dormir. En attendant son compagnon, il se rassit sur le bord de son lit, où il recommençait de sommeiller lorsque Bridoux entra. « Allons, Jacques, allons, » dit l'huissier. « Tu as l'air tout engourdi, mon vieux, secoue-toi donc. »« Voilà, voilà, » répondit M. Bastien, en se dressant sur ses jambes et se frottant les yeux. « J'ai la tête lourde et du sable dans les yeux. » Le grand air me remettra peut-être. Tiens, bois une goutte, Bridoux, et en route. Nous avons 4 lieues d'ici à Blémur. À ta santé, vieux, dit l'huissier, en se versant un petit verre d'eau-de-vie. Ah ça, tu ne trinques pas, toi? Si, fais, ça me réveillera, car j'ai la cervelle diablement embrouillée. Et après avoir avalé une nouvelle rasade d'eau-de-vie, qui, loin d'éclaircir ses idées, les rendit encore plus confuses, Bastien, précédant Bridoux, sortit de sa chambre, suivit le corridor et ouvrit la porte du jardin par laquelle il avait chassé sa femme 2 heures auparavant. Mais Marie avait quitté le porche où elle s'était d'abord blottie. La neige ne tombait plus. La lune brillait au ciel, le froid devenait de plus en plus vif. Jacques en fut doublement saisi, car il venait de boire 2 verres d'eau-de-vie. Aussi, pendant quelques moments, ses idées se troublèrent à ce point qu'en sortant du porche, il marcha droit devant lui à travers la pelouse, au lieu de suivre l'allée qui conduisait à la sortie du jardin. Bridoux s'aperçut de la distraction de son ami et lui dit « Jacques, Jacques, mais où diable vas-tu donc ?»« C'est vrai, » répondit l'Hercule en s'arrêtant court et en oscillant légèrement sur ses jambes d'avant en arrière. « C'est vrai, mon vieux, je ne sais pas ce que j'ai, je suis abruti ce matin. Je vais à droite quand je crois aller à gauche. C'est le froid qui m'a pincé tout de suite en sortant. » « Il y a fichtre bien de quoi être pincé. » reprit Bridoux en grelottant. « J'ai un caban, un cache-nez, et je suis gelé. Frileux, va. C'était bien facile à dire, à toi. Voyons, Bridoux, veux-tu ma peau ? Comment ta peau ? Ma peau de bique, imbécile. Et toi, Jacques, prends-la. Une fois en cabriolet, la chaleur m'engourdira trop, et je m'endormirai malgré moi. Alors, Jacques, j'accepte ta peau avec d'autant plus d'allégresse, mon vieux, que si tu te mets à dormir, tu es capable de nous verser. « Tiens, endosse, » dit Jacques après avoir ôté sa peau de bique, dont son compère se vêtit prestement. « Allons, » reprit Bastien en passant sa main sur son front, « voilà que je me retrouve, ça va mieux. » Et Jacques atteignit d'un pas moins chancelant la porte du jardin qu'André venait d'ouvrir au dehors en amenant la carriole attelée du vieux cheval blanc devant la tête duquel il se tenait. Bastien monta le premier en voiture. Bridoux, embarrassé dans la peau de bique, trébucha sur le marchepied. Prenez garde, notre maître, dit de loin le vieil André, trompé par la peau de bique et croyant s'adresser à M. Bastien. Faites attention, notre maître. Jacques, ce que c'est pourtant que la peau du lion, dit tout bas l'huissier. Ton domestique me prend pour toi, mon vieux, parce que j'ai ta casaque. Bastien, dont l'esprit continuait d'être quelque peu troublé, prit les guides et dit à André qui se tenait toujours à la tête du cheval. « L'ancienne route de Blémur est-elle encore bonne ?»« L'ancienne route, mais on n'y passe plus, monsieur. Pourquoi »« Pourquoi ?»« Parce que l'inondation l'a tout ravinée, monsieur. Sans compter que la berge du côté de l'étang des Brûlés a été emportée, ce qui fait qu'à cet endroit-là, le chemin est encore couvert de 10 pieds d'eau. »« C'est dommage, car ça raccourcissait fièrement le chemin. » répondit Bastien en fouettant si vigoureusement le cheval qu'il partit au galop. « Doucement, Jacques !» s'écria l'huissier, commençant à s'inquiéter de l'état où il voyait son compère. « Les chemins ne sont pas bons. Ne va pas nous verser, au moins. Mais s'appelle Jack, fais donc attention. Ah ça, tu ne vois donc pas devant toi ? Nous laisserons M. Bridoux dans une perplexité toujours croissante et nous reviendrons à la ferme. Nous l'avons dit, Marie, après avoir en vain tenté de gagner l'écurie par la porte du jardin, était revenue se blottir dans l'un des angles du porche. Durant la première demi-heure, le froid lui causa d'atroces souffrances. À cette torture succéda une sorte d'engourdissement d'abord douloureux, puis, bientôt suivi d'un état d'insensibilité presque complète. Funeste, invincible torpeur qui, dans ces circonstances, sert souvent de transition à la mort. Marie, vaillante comme toujours, avait longtemps conservé toute sa présence d'esprit et cherchait à s'étourdir sur le danger qu'elle courait, se disant qu'après tout, vers les 3 heures du matin, il y aurait certainement dans la maison un certain mouvement causé par le départ de M. Bastien, qui voulait, ainsi qu'elle l'avait su par Marguerite, se mettre en route au lever de la lune. Or, qu'il partît ou non, la jeune femme comptait profiter des allées venues de Marguerite pour se faire entendre d'elle en frappant soit à la porte du corridor, soit aux persiennes de la salle à manger, et regagner ainsi sa chambre. Mais la terrible influence du froid, dont Madame Bastien ignorait les effets rapides et saisissants, glaça pour ainsi dire sa pensée comme elle glaça ses membres. Au bout d'une demi-heure, la jeune femme cédait malgré elle à un assoupissement involontaire dont elle sortait pourtant par instants à force de courage, mais où elle retombait bientôt plus profondément encore. Vers les 3 heures du matin, la lumière que portait Marguerite avait déjà plusieurs fois brillé à travers les lames des persiennes. Ses pas avaient résonné derrière la porte d'entrée. Marie, plongée dans une torpeur croissante, n'avait rien vu, rien entendu. Heureusement, lors de l'un de ces rares instants où elle parvenait à s'arracher en sursaut de son engourdissement, elle tressaillit à la voix de Bastien. Sur le point de sortir avec Bridoux, il tirait bruyamment les verrous de la porte. À la voix de son mari, la jeune femme, par un effort de volonté presque surhumain, secoua tout à fait sa torpeur, se leva, quoique roidie et presque courbée en deux par ce froid glacial, sortit du porche et se cacha derrière un des montants couverts de lierre, au moment où la porte s'ouvrait devant Bastien et Bridoux, qui sortirent bientôt par la grille du jardin. Marie, voyant les deux hommes s'éloigner, se glissa dans la maison, regagna sa chambre, sans avoir rencontré Marguerite. Mais au moment où elle la sonnait, les forces lui manquant, elle tomba sur le carreau, presque sans connaissance. La servante accourut à la sonnette de sa maîtresse, la trouva gisante au milieu de sa chambre et s'écria, en se courbant vers elle pour la relever, « Grand Dieu, madame, que vous est-il arrivé ?»« Silence !» murmura la jeune mère d'une voix faible, « N'éveillons pas mon fils, aidez-moi à regagner mon lit. » « Hélas, madame, » dit la servante en soutenant Marie pendant qu'elle se mettait au lit, « vous frissonnez, vous êtes glacée. » « Cette nuit, » répondit la jeune mère d'une voix défaillante, « me sentant très souffrante, j'ai voulu me lever pour vous sonner. Je n'en ai pas eu la force. Je me suis trouvée mal et c'est tout à l'heure que j'ai pu me traîner jusqu'à la cheminée pour vous appeler et je... » La jeune femme n'acheva pas, ses dents s'entrechoquèrent, sa tête se renversa en arrière et elle s'évanouit. Marguerite, effrayée de la responsabilité qui pesait sur elle et perdant tout à fait la tête, s'écria en courant à la chambre de Frédéric « Monsieur, monsieur, levez-vous, madame se trouve mal !» Puis, revenue auprès de Marie, la servante s'écria en s'agenouillant auprès du lit « Mon Dieu, que faire? Que faire ?» Au bout de quelques instants, Frédéric, ayant passé sa robe de chambre, sortit de chez lui. Que l'on juge de son saisissement à l'aspect de la jeune femme pâle, inanimée, et de temps à autre agitée par un frissonnement convulsif. « Mère !» s'écria Frédéric en s'agenouillant éperdu au chevet de Marie. « Mère, qu'as-tu? Réponds-moi » « Hélas, monsieur Frédéric !» dit Marguerite en sanglotant. « Madame est sans connaissance. Que faire, mon Dieu, que faire ?»« Marguerite !» s'écria Frédéric. « Cours éveiller monsieur David !» Pendant que Frédéric, dans une terreur inexprimable, restait auprès de sa mère, la servante se rendit à la mansarde d'André, où David avait passé la nuit. Le précepteur, s'étant vêtu à la hâte, ouvrit à Marguerite. « Mon Dieu, qu'y a-t-il ? Monsieur David, un grand malheur, madame, achevez ! Cette nuit, se sentant souffrante, elle s'est levée pour me sonner. Les forces lui ont manqué, et elle est tombée au milieu de sa chambre, où elle est restée longtemps sans doute sur le carreau, car lorsque tout à l'heure je suis entré chez elle, et que je l'ai aidée à se mettre au lit. Elle était glacée. « Par une nuit pareille, c'est affreux !» s'écria David en pâlissant. « Et à cette heure, comment se trouve-t-elle »« Mon Dieu, monsieur David, elle a perdu tout à fait connaissance. Ce pauvre monsieur Frédéric est à genoux, à son chevet, il sanglote. Il l'appelle, elle n'entend rien. C'est lui qui m'a dit de courir vous chercher, car nous ne savons que faire, nous avons la tête perdue. » Il faut dire à André d'atteler le cheval et de se rendre en hâte à Pontbriand, chercher le docteur Dufour. Courez, courez, Marguerite. Hélas, monsieur, c'est impossible. Monsieur est parti ce matin à 3 heures avec le cheval, et André est si vieux qu'il mettrait je ne sais combien de temps à faire 2 lieues qu'il y a d'ici à la ville. J'y vais, dit David avec un calme que démentait l'altération de ses traits. Vous, monsieur David, allez à la ville à pied, si loin, par cette nuit glacée. Dans 1 heure, répondit David, en finissant de s'habiller pour cette excursion. Dans 1 heure, le docteur Dufour sera ici. Dites cela à Frédéric pour le tranquilliser. En attendant mon retour, il serait bon de faire prendre à Madame Bastien quelques tasses de thé bien chaud. Tâchez aussi de rappeler la chaleur chez elle, en la couvrant avec soin, et en rapprochant son lit d'un grand feu que vous allez allumer tout de suite dans sa cheminée. Allons, courage, Marguerite, ajouta David, en prenant son chapeau et en descendant à la hâte. Dites bien, Frédéric, que dans 1 heure, Monsieur Dufour sera ici. Marguerite, après avoir conduit David jusqu'à la grille du jardin, vint chercher sa lampe qu'elle avait laissée sur le seuil de la porte, abritée par le porche rustique. En se baissant pour reprendre sa lumière, la servante vit, à demi cachée par la neige, un mouchoir de cou en soie orange appartenant à Madame Bastien, et presque au même endroit, elle trouva une petite pantoufle de maroquin rouge, pour ainsi dire incrustée dans la neige durcie par la gelée. De plus en plus surprise, et se demandant comment se trouvaient là ces objets qui provenaient évidemment de sa maîtresse, Marguerite, frappée d'une idée subite, ramassa le mouchoir et la pantoufle, puis, à l'aide de sa lampe, elle examina attentivement le carrelage du corridor. Elle y reconnut la récente empreinte de pas humides et neigeux, de sorte qu'en suivant cette trace laissée par les petits pieds de Madame Bastien sur les carreaux, la servante arriva jusqu'à la porte de sa maîtresse. Soudain, Marguerite se rappela que lorsqu'elle avait aidé Marie, toute transie de froid, à se mettre au lit, il n'était pas défait. D'autres souvenirs se joignant à ses remarques, la servante, épouvantée de la découverte qu'elle venait de faire, rentra chez Madame Bastien, auprès de qui était resté Frédéric. 1 heure et quart après le départ de David, un cabriolet de poste, attelé de 2 chevaux blancs d'écume et sillonné par le fouet du postillon, s'arrêtait à la porte de la ferme. David et le docteur Dufour descendaient de cette voiture.